C'est que de la zig, c'est pas la guerre. Tes chakras quand je débattais, c'est du babrat, quoi qu'il arrive, ça restera toujours sincère. Comme les larmes, c'est deux chars qui meurent de froid. Chaque hiver sort de l'âme, de mes tripes, de mon cœur, de mes viscères. Ça me ronge de l'intérieur, à petit feu comme un ulcère. Thérapie, c'est la musique, c'est imprécis, j'en suis ravi. 44 000 faut tout terrain, car le peura c'est du rallye. Sur la mesure au millimètre, on donne poids dans le gâchis, on fait les diètes, aussi secrètes qu'un résistant dans le maquis. Avec la foi, la conviction, c'est nos vies de chien que l'on décrit. Naturellement sans artifice, passe l'âme, c'est mes écrits. Ravale ta haine, y'a que du will dans mes assis. Du seum dans mon phrasé, des lyrics qui font mouche comme une gauche bien placée. Du roro véritable, pas de toc ni de plaqué. Sur la tête, pas de joke, c'était un pan que j'ai braqué. J'aurais pu trapper la richesse, mais moi je te rappe le brouhaha. Tous les sujets sensibles qu'il vous Jean-Marc dans l'embarras. Aujourd'hui il pleut sur Nantes comme la chanson de Barbara. J'aurai pour Nantes pour Mulchek et tous mes acolytes. Je chante les alcooliques, les mal aimés, les mal polis, les mal logés, les mal lotis. Les big rappers c'est speech qui bédave à peine sorti du lit. Compte déjà toute la panoplie, la merde sur les trottoirs, les poubelles qu'on dégueulit. Ici ça pue la dope presque autant qu'à Napoli. Et demande pas à la police de t'indiquer le chemin. Du canal Saint-Félix tu comptes voir le jour demain. Cette ville est pleine de vie, surtout ne cache pas à tes gamins. Ce bled c'est un peu comme Gotham sans Batman. Heureusement qu'il y a des jokers pour donner le sourire aux frères. Dans les coins sombres nos pères, vu du casse et du banquier, vu du casse et du notaire, c'est des monsieur M.O.R. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'on a tout dit. À ce qu'on peur du silence, on arrive rig les lodimètres. On pousse le son dans tes enceintes et laisse ouvertes les fenêtres. Tu connaissais pas encore l'équipe, tu vas apprendre à nous connaître. Soli, Johnny Maître, et nulle part sont pareils. C'est pas les flingues que je manie, moi c'est les vinyles que j'oreille. C'est du mid-check dans l'appareil, ça vient pas de Damari Lélis. 2-0-10, Joke World va laisser des cicatrices. C'est au pay mic pour les bavards, 44 comme étendard. C'est du frais et du nantais. Putain, est-ce que je payais? Il t'a dit qu'on dormait. Nous on t'a fait déjà quand dans tes couches tu braillais. Laisse-nous faire s'te plaît, le hip-hop on est dans. On est armé de piques et de lyrics. Percutant, il fait du droit sans les gants. C'est avec tes doigts cassés que tu vas ramasser tes dents. Des sauts pessimistes en scred amène un peu d'espoir. Pour les potes trop pessimistes que je vois sans cesse voir. On est des soldats unis autour de Joe comme à l'ancienne. C'est pour les démunis, pas pour ceux qui renseignent. Sur Joe Warduch qui tire en plein dans le mid-check. Pendant que les fois MC s'entraînent encore au stand de tir mec. On kick sec, kill, te demande pas qui c'est. Les boycotteurs anti-cibles et courent faire le 17. La rime on la vie Sega depuis l'époque des Sega. La prod joue dans le cul comme un pilote de stock car. Faut que le temps inspecte qui si ça pète au bec un cigare. Si t'apprécies bien on n'y peut rien. On va pas faire la paix. Fier face au facho qui m'affiche au comico. Inspiré par Iblis qui balance des gros mythos. À ce qui paraît je blesse et balance à l'aide d'un gros micro. 9 mm de vérité pour un 16 de nitro.